Ben oui, puis écoutez, le Montréal a tellement été dépressif à plusieurs égards depuis tellement d'années que de temps en temps, on a une petite lueur d'espoir, un petit rayon de soleil qui passe au travers le nuage qui flotte sur la tête, ça fait du bien. Mais il y a des fins finaux qui en profitent, puis parlons-en, je sais que tu voulais en parler, on va commencer avec ça, tant qu'à être là-dedans, Eric. Hier soir, sur le web, le ministère de la Sécurité publique, juste avant la game du Canadien, a rendu public le torchon, on va appeler ça le torchon Ménard, là. Pipoli. Ménard Carbonneau sur l'histoire là, du printemps étudiant, la crise étudiante, où on blâme le gouvernement Charest puis le travail des policiers là-dedans. Là. Écoutez, c'est cette commission-là, rappelez-vous, a été mise en place par le Parti québécois. Ils ont nommé un ancien ministre du Parti québécois, Serge Ménard, pour le présider, assisté de l'ancienne présidente de la CSN, Claudette Carbonneau. Donc, vous voyez que c'était une commission qui était tout à fait neutre et objective. Ben ouais. Et effectivement, ça donne un rapport tout à fait neutre et objectif. 450 pages, 21 des 28 recommandations blâment les policiers ou en tout cas suggèrent des choses à faire pour les policiers parce que semble-t-il que c'est eux autres qui auraient été le problème. On blâme aussi évidemment le gouvernement Charest. On blâme quasiment les tribunaux d'avoir permis à Laurent Proulx puis à d'autres étudiants qui ont contesté devant la cour le fait qu'on les empêchait d'avoir accès à leur salle de classe, d'avoir gagné. C'est vraiment un rapport à sens unique. C'est pas surprenant quand on connaît les gens qui l'ont rédigé, mais c'est très décevant qu'en tant que contribuable, on a payé 850 000 piastres pour ce torchon-là. Hey, ben oui, puis torchon, c'est parce que je peux pas utiliser les mots qui me viennent en tête spontanément. Là, c'est le seul qui est médiatiquement acceptable. C'est un tas de merde, ce rapport-là. M'a-t-il dit, là? C'est un tas d'excréments. C'est ce que je voulais dire. Quand tu lis là-dedans là, qu'il aurait fallu nommer un médiateur, comment ça un médiateur? Depuis quand on a besoin d'un médiateur entre un gouvernement élu légitimement, démocratiquement, puis une gang d'ados attardés qui jouent à être des communistes, tu sais. C'est ça. Depuis quand que c'est les étudiants qui négocient eux-mêmes le combien ils vont payer puis qui décident eux-mêmes qu'est-ce qu'on va mettre dans les cours, qu'est-ce qu'on mettra pas dans les cours? C'est n'importe quoi, ce rapport-là. On veut même, et là, évidemment, on reconnaît la plume de Claudette Carbonneau à quelques endroits aussi, où elle dit que là, faut encadrer ça puis faut donner aux étudiants, là, le droit de grève. Pareil, comme ça, être étudiant, c'est être comme travailleur. C'est CSN, puis l'association étudiante, même combat. Et donc, on blâme pas les syndicats qui ont financé ces crises-là, qui ont financé la désobéissance civile, qui ont financé le saccage dans les rues de Montréal. On les blâme pas. On blâme pas Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait un outrage au tribunal, qui a jamais condamné la violence. Lui, on le blâme pas là-dedans non plus. On blâme pas non plus le Black Bloc qui a participé à ces manifs-là. On blâme pas ce monde-là, là. On blâme les policiers qui ont essayé de faire régner l'ordre, qui ont essayé de défendre le bien public. On blâme le gouvernement qui a respecté la volonté, je vous rappelle, majoritaire de la population au Québec. Heureusement, le vrai rapport, là, c'est pas le torchon qui a été publié cette nuit. Le vrai rapport, là, c'est le 7 avril, les Québécois nous ont écrit un en lettres gros de même, là, puis on disait à Pierre Duchesne, à Martine Desjardins, à Léo Bureau-Blouin, puis à Pauline Marois, dehors. Ça, c'était le rapport, tant qu'à moi, de la crise étudiante. C'est ça. Moi, le bout qui me rend vert, c'est quand on dit d'interdire ou de restreindre l'usage du poivre de Cayenne et des grenades assourdissantes. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent-tu que les policiers sortent le gun? T'sais, tu peux plus utiliser de grenades assourdissantes, plus de poivre de Cayenne. On sait déjà que le taser non plus, ça fait pas. C'est quoi? C'est les guns ou rien, là? C'est quoi, là? Hier, là, je parlais à un expert, un policier qui est à la retraite du SPVM, qui était justement expert pour la coordination quand il y avait des rassemblements, puis comment intervenir au niveau des forces policières. Et je parlais parce que je voulais savoir ce qui se passerait en marge du rassemblement au Centre Bell, si le Canadien gagnait ou perdait, puis comment c'était quoi les mesures de sécurité dans des activités comme celle-là. Évidemment, il n'était pas au courant de celle-là en particulier parce qu'il était à la retraite. Mais il m'a avoué, puis ça m'a jeté à terre, que quand c'est des manifestations politiques, pour pas dire syndicales, là, ou quasiment syndicales, étudiantes, on n'a pas la même intervention que quand c'est une manifestation sportive. Que les policiers ont moins de tolérance quand on célèbre une victoire du Canadien que quand on manifeste pour la gauche québécoise. Et ça, là, on en est témoin, là. Rappelez-vous qu'il y a pas si longtemps, là, hier, ils ont laissé les automobilistes klaxonner après la victoire du Canadien. À ce que je sache, il y a pas eu de contraventions qui ont été émises pour ça. Mais il y a quelques jours, ça avait été le cas. Ben oui. Moi, je me souviens très bien que pendant les manifestations étudiantes, là, j'avais une vue plongeante sur eux à plusieurs reprises et je les voyais se promener avec des clés le long des chars puis graffiner tous les chars qui passaient. Je les voyais essayer d'arracher l'asphalte pour garracher de la roche aux policiers. Je les ai vus attaquer les chevaux. Je les ai vus. Je veux dire, il y a rien qu'ils n'ont pas fait. je les ai vus péter des vitrines avec des poubelles sur le bord du chemin, alors que les policiers étaient là, les voyaient faire et ne faisaient strictement rien parce qu'on leur avait dit de rien faire. Le torchon Ménard a oublié, ouais, je pense, une grosse partie du problème et la solution nous pend au bout du nez. T'as juste à te poser une question qui est toute simple. Comment ça se fait qu'à Montréal, il y a eu des débordements, il y a eu du vandalisme, il y a eu des actes désolants et qu'à Québec, il n'y a rien eu. À Québec, question. Là, et puis la solution, elle est là. Puis on l'a vu encore hier. Oui, il y a une différence entre une manifestation de joie sportive puis une manifestation étudiante, mais hier, il y avait de la présence policière à Montréal. Pendant tout le conflit étudiant, il y a eu une présence policière qui s'est montrée et qui a fait respecter les règles à Québec. Oui. La solution est toute simple, puis elle est là. Au lieu de blâmer les polices à qui on donne des directives floues, jouer la boîte comme au New Jersey avec Jacques Lemaire, faites bien attention de pas piler sur le pied de personne. Ben qu'est-ce que ça donne avec des étudiants qui pensent qu'ils sont rendus en pays communiste, qui se prennent pour Che Guevara avec des t-shirts qui savent même pas ce qu'il y a dessus. Ben ça donne les débordements que vous avez eu à Montréal. Blâmez pas, c'est tellement facile. Ça me fait penser aux Browns qui blâment tout le monde de leur défaite hier. C'est ça, exactement. C'est quand ça, c'est blâmer l'arbitre là, un peu comme ce que Claude Julien faisait hier sur le banc des Browns. C'est un sentiment de mauvais perdant. Effectivement, c'est ce qu'on voit présentement. Puis quand on lit le rapport, évidemment, j'ai pas fini de le lire, là, 450 pages, puis je vais vous dire que je me choque à tous les deux pages, donc c'est long. C'est que ça fait bien, Jérémy. Mais si je me choque à toutes les deux mets pages. Mets le feu là-dedans, là, la fin de semaine arrive. Mets ça dans ton foyer. Là. Moi qui te préparais une belle fin de semaine, aller tout ça, tu viens de scraper mon week-end. Ben non, voyons, on ne passe pas ta fin de semaine là-dedans. Là. Voyons donc. Non, mais c'est, il faut quand même savoir d'où ils viennent, puis parce que des fois, il y a des perles là-dedans. Là. Moi, je vais le lire, là, je vais me le taper, là, parce que tu vois comment... Ils sont endoctrinés, comment, où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que toutes les réclamations, là, toutes les demandes, les recommandations qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'on va voir apparaître dans les prochaines années là, dans le programme du Parti québécois, du NPD puis de Québec solidaire. Non, mais c'est vrai. Ils vont s'inspirer de ça pour vous proposer des mesures, puis ils vont essayer de les enrober avec du sucre pour vous les faire avaler un petit peu plus facilement, puis que ça goûte un peu moins méchant. Mais on va voir une certaine gauche au Québec là, recycler ce rapport-là, puis essayer de le digérer pour que ça soit comestible pour les électeurs les plus naïfs. Là. C'est clair qu'ils vont faire ça dans les prochains mois. Fait que c'est important de bien lire ce qui est là-dedans parce que ça représente un courant idéologique qui malheureusement est encore très fort au Québec. Mais sauf que la bonne nouvelle, là, c'est que les péquistes sont pas au pouvoir. La bonne nouvelle, là, c'est que le 7 avril, on les a mis dehors, ben comme ça. Faut à part de ça. Qui va aller au vidange, le rapport. Et j'ai pas l'impression que les libéraux, aujourd'hui, tremblent devant le rapport et se demandent s'ils commencent à par appliquer la recommandation 1, 7 ou 24. Là. Je pense que non. Je pense qu'ils vont prendre ce rapport-là. Ils vont dire merci beaucoup, Monsieur Ménard, rentrez chez vous. Vous nous avez coûté 850 000 piastres de trop. Et d'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. Il y a quasiment eu un doublement des coûts. Là. C'était supposé coûter moins d'un demi-million, cette affaire-là. Ils ont même pas été à de gérer leur propre budget. Et c'est le vrai temps non plus. Il a fallu qu'ils prennent plus de temps, là. Un vrai rapport syndical. Hey, Éric.